finance. Service bureautique chez Tigo Finance. Un Faustin à Égide, où est-ce que ça met le Baudouin le véritable mécanicien? Car, Wana et Zali Amour de France. Le prince Machala, y'a la mère Noël et toi la gengue. Boyoka, Freddy Lacuna, le cardinal. Y'a c'est la capable à Koufa pour à remplacer quoi. Yabisana, Rufa et Tumba, Aebakate, Batu les stars toujours danser. Snack bar, la détente, Bertin à Poudou na Babe. Sous-titrage Société Radio-Canada. Gary Bruno. Ego, ego, mobila ya papa Belon mobila. Francis Malonga. Gertrude Edmond. Le grand Vinti, Alcazar Lolo, Yoka Mata, Fabio Testa. Destin pour avoir la pleine vocation. Voilà.